te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale 88.3 FM à CKIA à Québec. Et c'est une autre belle émission qui s'en vient, une autre émission chargée. Un petit spécial, évidemment, Noël, parce que ça s'en vient cette fin de semaine. Et je suis avec les collaborateurs de Puissance Maximale. Il y a Andrew Castegan. Salut, Andrew. Bonjour, Monsieur Mike. Ça va bien? Ça va toujours très bien. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Je sais que tu vas participer à notre suggestion cadeau et... Un peu d'actualité au niveau manga japonais. C'est stagné un peu depuis quelque temps, mais là, ça recommence à bouger. L'industrie se réveille. En même temps, participer au top, comme tu disais, et en même temps, un petit éditorial, deuxième partie de ton dernier coup de gueule sur l'état de l'industrie du jeu vidéo. Mais moi, je vais le faire plus au niveau matériel. Excellent. Et Guillaume Forain est là aussi. Salut, Guillaume. Hey, salut. Alors, toi, tu vas être avec nous pour les nouvelles également. Oui, oui. Je vais parler de la 3DS. Je vais parler aussi des suggestions cadeaux, nouvelles, top 10 de l'année. Donc, ben ça rentre tout ensemble un peu, là, je vais même parler de Windows 8 qui n'est pas encore sorti. On a hâte d'entendre ça. Et moi-même, bien évidemment, votre humble serviteur, Michael, je serai avec mes collaborateurs pour parler nouvelles, parler suggestions cadeaux et aussi du coup de gueule d'Andrew. Je vais y participer également. On va commencer en musique avec une chanson... De Anonymous. Ouais, une chanson d'Anonymous qui est dans la série qu'on avait présentée... Il y a deux semaines, là, Noël dans la rue, qui est un spécial finalement metal qui reprend des tunes classiques, finalement des chansons classiques de Noël. Et là, on y va avec Anonymous. Puis Guillaume, tu pourrais nous dire le titre? Les anges dans nos campagnes. Excellent. Et vous entendez ça sur CKIA FM 88.3 à Québec et vous écoutez Puissance Maximale. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et nous sommes de retour en studio après cette excellente chanson d'Anonymous pour parler de nouvelles ludiques. On va commencer avec Guillaume qui va nous parler de la 3DS. Oui, la 3DS, quand même une console intéressante, qui a eu des hauts, des bas, quelques controverses dessus, pas recommandée pour les jeunes enfants. Et une console que de base, ceux qui avaient précommandé, qui avaient acheté de bonne heure la 3DS, qui devenaient des ambassadeurs, avaient le droit éventuellement à avoir des jeux gratuits. Oui, parce qu'on sait qu'il y a eu une baisse de prix là, il n'y a pas si longtemps. Là, yeah. Une bonne baisse de prix. Là. Andrew, c'était combien, est-ce que tu te rappelles? Je pense que c'est 100 dollars. Ça avait descendu quand même assez... une bonne descente importante là, du prix de la 3DS. Là. Ouais, 50 ou 100 $? Non, c'était à peu près 100 $. Là, il est rendu 169. C'était pas loin du 300 quand ça venait de sortir. C'est ça. C'est que là, les gens là, qui ont acheté la console au début ont droit à des gratuités. C'est comme moi. Oui, comme toi. Donc, Andrew va pas nous faire une critique sur chacun des jeux après les fêtes, car il va pas tout. Tous des classiques, là. On sait qu'il y avait 20 jeux en tout, 10 jeux de Nintendo classique. Et 10 jeux de Game Boy Advance. Et les Game Boy Advance sont maintenant sortis. Donc, la liste est maintenant rendue disponible. Seulement, si vous avez déjà acheté votre 3DS avant, si vous l'avez acheté récemment, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas accès à travers le magasin à ces jeux. Quand même, 10 jeux intéressants. Ouais, quand même, c'est des classiques. C'est des jeux qui ont eu beaucoup de succès, des jeux de Nintendo. Y a quand même, la liste est intéressante. J'ai pas joué particulièrement à ces jeux-là, mais j'ai entendu des bons commentaires des gens qui ont la console. Les fans de Nintendo vont être ravis parce que c'est des classiques. Là. On parle de F-Zero, Maximum Velocity, Super Mario Advance 3, Yoshi's Island, Legend of Zelda, Minish Cap. Il y en a d'autres. Oui, il y a Wario Land 4, il y a Metroid Fusion, oui. WarioWare, Inc. Il y a Kirby and the Amazing Mirror, Mario vs. Donkey Kong, Fire Emblem, The Sacred Stone. Donc des jeux quand même. Mario Kart Super Circuit. Oui, Super Circuit. Super Circuit, je veux dire en français. Super Circuit. Donc quand même une série de jeux intéressants. Des jeux qui, oui, ont déjà sorti sur le Game Boy Advance, donc ils ont du vécu, c'est pas des jeux qui datent d'hier, mais des bons jeux, donc de quoi d'intéressant pour les gens qui ont déjà la 3DS, donc allez voir et allez télécharger ces jeux-là gratuitement, car ils vous sont donnés. C'est ça. La liste qu'on vient d'entendre là, je sais que ça a été annoncé pour les joueurs, entre autres, européens et japonais. C'était pas la liste officielle des États-Unis, mais on s'attend à ce que ce soit pas mal ça. Puis c'est disponible depuis vendredi. Ben, si on se fie à la liste américaine, quand il y avait sorti le jeu de NES, ça va peut-être être un titre différent. Ouais, c'est ça. Là, parce qu'il y a des titres qui ont plus pogné en Amérique qu'au Japon. Là, fait que, ça, de mon avis, ça devrait pas être majeur. Voilà. Donc, autre nouvelle aussi. Ben, merci Guillaume de nous avoir amené cette nouvelle-là. Autre nouvelle, on a su récemment que dans Zelda Skyward Sword, on en avait parlé récemment avec Andrew, il y a un gros bug dans le jeu. Je me rappelle pas exactement c'est quel bug. C'est un bug à un moment donné où on arrive, on fait une quest. C'est dans l'ordre de parler finalement avec différents personnages qui fait qu'à un moment donné, la quest qu'on est en train de faire est plus accessible. Puis à cause de ça, on peut plus finir le jeu. C'est un bug majeur là, dans Skyward Sword. Puis là, on avait un problème chez Nintendo parce que la Wii est pas spécialement faite pour, entre autres, les updates provenant du net, là, provenant du web. C'est pas vraiment fait pour ça. Mais Nintendo, une nouvelle qui est sortie la semaine dernière, là, va finalement offrir une solution téléchargeable avec la Wii pour régler le problème. Et même, là, ça, c'est un peu plus farfelu. Ils proposent aux joueurs qui ont une Wii mais qui n'ont pas Internet ou qui sont pas branchés Internet avec leur Wii de leur envoyer leur carte SD pour avoir la patch, ou même d'envoyer leur Wii à Nintendo pour qu'eux-mêmes mettent la patch sur la console. Suggestion comme ça, un CD ou renvoyer une petite carte à vos joueurs. Ou pourquoi pas permettre de le télécharger sur un ordinateur. Ben c'est ça. Puis ou avoir, trouver un ami à la place qui a Internet et d'aller qu'une Wii et Internet et aller faire ça chez eux, ça vous promet être plus simple et vous allez l'avoir pour pouvoir jouer tout de suite. C'est ça. Donc Nintendo, bravo de faire le pas pour aider vos consommateurs, vos clients, mais ça serait... En tout cas, vous devriez parler avec votre responsable technique là, pour trouver des solutions plus intéressantes un peu. J'offre toujours mes services de consultant. Excellent, merci à nous. Aussi, petite sortie rapide, mais ça dans le monde du jeu de rôle, le bestiaire, le troisième bestiaire du jeu Pathfinder, donc les amateurs du jeu style Donjon Dragon, le troisième bestiaire est sorti. J'attends avec impatience de pouvoir mettre la main dessus pour voir ce qu'il y en est, parce que les deux premiers livres sont assez complets, des belles illustrations, c'est des beaux livres. Faut dire que Pathfinder, ils ont des super bons illustrateurs, puis encore là, on a beaucoup de monstres intéressants. Puis c'est vraiment là, moi qui est maître de jeu là, je peux vous dire que j'en trouve justement là pour mon argent là, dans ces livres là pour trouver les bestioles qui vont attaquer mes joueurs. Donc ce serait une petite découverte à faire pour ceux qui jouent à Pathfinder, peut-être aller voir ça en magasin ou ceux que ça intéresse, allez feuilleter ça justement à votre magasin de jeux de rôle préféré pour voir à quoi ça ressemble. Aller au donjon l'autre bord de la rue. Ben oui, Gabriel Roy, le donjon qui est selon moi sans faire vouloir faire de publicité là, mais une des meilleures boutiques en ville là, pour le jeu de rôle là. Des gars, le personnel est intéressant là, puis il y a du stock intéressant aussi. Ils ont du vieux jeu de rôle également là, donc c'est un beau petit détour à faire là, dans le quartier Saint-Roch. Donc voilà, moi de mon côté. Ah oui, Andrew, c'est vrai, t'avais une nouvelle sur le monde de l'animé. Puis c'est moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est sur la série Rurouni Kenshin. Oui, ben justement, j'ai vu ça un peu plus tard que ce matin. Une série qui a quand même marqué beaucoup de gens au niveau du shonen. Rurouni Kenshin. Il y a eu un film, un action avec des vrais acteurs dans le fond. Un live movie. Live movie, merci, cherchez le terme. Un live movie qui est en production avec Warner Brothers Japan. Oh. Et le trailer. Il torche. Oui, j'ai vu la bande-annonce moi aussi cette fin de semaine, puis je peux vous dire, okay. Je suis un grand fan de c'est Kenshin le Vagabond, le titre en français est édité chez Glénat pour les intéressés. C'est un de mes préférés, un de mes shonen préférés, puis la bande-annonce, j'ai hâte. Mais c'est ça, là, c'est sûr que si vous allez regarder la bande-annonce, attendez-vous pas à voir une bande-annonce comme en Amérique, là, t'es avec des scènes en rafale, tout ça. C'est comme le Japon, il y a du texte, c'est comme. Ouais, là, il faut dire que la bande-annonce est en japonais, là, donc ceux. C'est ça, t'es. Les férus de langue nippone pourront peut-être mais essayer. Mais on voit les acteurs, puis personnellement, je trouve que la sélection des personnes semble quand même très convaincante. On en reconnaît bien les personnages. Et je veux pas faire de faux espoirs à tout le monde, mais. À date, les studios, c'est les mêmes que ceux qui ont fait Dead Note. Fait qu'il faut prévoir une version anglaise, en Amérique, en DVD probablement. Ça, mais ça c'est le fun. C'est encore trop tôt, mais on va bonnes chances. Moi, c'est toujours peur de l'adaptation du manga, parce que je suis un grand fan. J'espère qu'ils vont respecter l'histoire. J'ai hâte de voir comment ils vont installer ça dans un film, parce que la série est quand même assez longue, là, ben, après une trentaine de volumes. Là. C'est ça, après la bande-annonce, comme je dis, j'ai pas pu comprendre, là, mais ils ont l'air de parler vraiment du passé de Kenshin où il est un assassin lors de la Révolution. Meiji, puis après ça, le début de la série de manga, là, où il est vraiment le vagabond. Le vagabond, ouais. À date, il semble montrer ça. Bref, pour les fans, surveillez ça. Moi, je vais le faire. On va vous revenir avec ça, c'est sûr, quand ça va sortir. Donc, voilà, c'était les nouvelles ludiques, geeks, qui vous étaient offertes. Mais Guillaume me regarde, et on avait parlé de Windows 8 tantôt hors d'onde. Est-ce que tu voulais nous en parler tout de suite? Oui, je peux en parler tout de suite. Ça. On peut tant le laisser maintenant. Tant qu'à parler de... Windows 8, qui n'est pas encore sorti, qui est un système d'exploitation qui est en train d'être conçu pour rouler sur des ordinateurs ainsi que sur des tablettes. C'est ça le but, pour avoir du touchscreen. C'est intégré dedans. Ils ont trouvé une nouvelle façon de faire de la sécurité. Okay. Actuellement, le problème qu'on peut avoir sur les tablettes ou même sur les portables, les téléphones, on doit rentrer un code... Bon, c'est des chiffres, ça se crée. Un dessin, un schéma. Là. Un schéma sur le touchpad. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que une des sécurités disponibles va être effectivement l'équivalent d'un schéma. Donc, on peut faire des cercles, on peut faire des lignes, tout ça, mais relié à une image. Donc, quand on va, disons, barrer notre tablette et qu'on va vouloir l'ouvrir, on va avoir un fond d'écran, une image, et à partir de cette image-là, cette image est faite et conçue pour pouvoir nous donner un indice sur qu'est-ce qui est notre mot de passe. Donc, disons que j'ai une photo de moi et ma femme, mais je peux décider que le mot de passe, un des mots de passe, dans le fond, un des trois symboles, c'est faire un cercle autour de ma tête, faire une ligne qui part de mon nez jusqu'au nez de ma femme qui est à côté de moi sur la photo, et faire un cercle après ça, à l'entour de la tête de ma femme. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'il va se souvenir de l'ordre et comment qu'on le fait. Okay. Donc, on ne pourra pas faire le cercle n'importe comment, la ligne dans n'importe quel sens. Donc, ça va vraiment être plus précis de ce côté-là. Donc, une innovation, une façon supplémentaire de sécurité là, qui va s'en venir pour les tablettes. Ce ne sera pas juste le schéma à 9 points qu'on essaie de relier. C'est ça. Ça va être beaucoup plus complexe. Les images sont là pour nous aider à se rappeler notre mot de passe. Comme ça, on n'a pas vraiment un mot de passe là, avec 8 minimum, 8 caractères, des majuscules, des minuscules. C'est déjà assez pénible, ces ordinateurs sur Internet à faire. sur une tablette ou même sur un téléphone, commencer à faire des sécurités comme ça, ça va être assez pénible. Puis les gens vont se tromper, surtout avec nos gros doigts, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est ça. Bon, ben, excellent. Une belle initiative. On a hâte de voir ce que ça va donner. On a hâte de voir un peu Windows 8, comme on a toujours hâte de voir les nouveaux Windows, si ça va être des flops comme certains là, qu'on a déjà vu dans le passé, ou s'ils vont être innovateurs un peu. Là. Ben, si on se fait au cycle. Ça sera un flop. On serait dû pour un flop. Ouais. Et je crois que ça va avoir un certain potentiel Windows 8 là, quand même. Ça ne sera pas nécessairement un flop. Effectivement, le cycle actuel, oui. Mais d'après moi, Windows 8 a un potentiel. On a hâte de voir ça. On a hâte de pouvoir voir cette nouvelle plateforme. Ben, rapidement, si vous voulez piquer votre curiosité, le développeur preview est disponible en téléchargement. Okay. Je vous suggère de ne pas l'installer sur une machine principale. Mettons, vous avez un petit ordinateur. Vous pouvez vous installer ça, ben est-ce que vous pouvez l'essayer? Pour faire le test, ouais. Il est limité, mais tu sais, ça permet de nous donner une idée de l'ensemble. Là. Excellent. Bon, ben belle, merci de la suggestion, Andrew. On va continuer en musique après les nouvelles parce que c'est déjà terminé pour les nouvelles ludiques et geeks. Et on va continuer avec quelle chanson, Guillaume? On va y aller avec une chanson comme la semaine passée de Dr. Horrible Sing Along Blog. Oui. La chanson s'appelle My Freeze Ray, donc chantée par Neil Patrick Harris principalement. Excellent. Et vous écoutez ça à CKIA FM 88.3 à Québec et vous écoutez Puissance Maximale. Laundry day, see you there, under things, tumbling, wanna say, love your hair, here I go, mumbling, with my freeze ray I will stop the world, with my freeze ray I will find the time to find the words to tell you how you make me feel, what's the phrase, like a fool, kinda sick, special needs, anyways, with my freeze ray I will stop the pain, it's not a death ray or an ice beam, that's all Johnny Snow, I just think you need time to know that I'm the guy to make it real, the feelings you don't dare to feel, I'll bend the world to our will, and we'll make time stand still. That's the plan, rule the world, you and me, any day, love your hair. What? No, I love the air. Anyway, with my freeze ray, I will stop. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Merci Frodon de nous ramener toi aussi à la réalité. Et nous y allons avec nos suggestions cadeaux, les top, un peu les top 10 de l'année, même si c'est pas la dernière émission de l'année de Puissance Maximale, mais on va quand même en profiter pour le faire avant Noël. Je pense que je vais commencer en faisant une suggestion que je pense que tout le monde ici va faire. Skyrim. Fossroda, effectivement. Jeu qui a été nommé au Video Game Award, jeu de l'année. Ben, moi-même qui m'a un peu surpris parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Il y a bien des jeux qui ont eu le temps de faire leur preuve depuis le début de l'année. C'est un très bon jeu. Il y a d'autres bons jeux aussi qui sont là. C'est sûr, qui est sorti en dernier, ça l'aide, mais c'est pas le seul bon jeu. C'est ça. Mais oui, c'est mais un des bons jeux. On parle quand même d'un jeu que, oui, il a des défauts, mais qui est assez bon pour qu'on lui pardonne ses défauts. Ouais, c'est ça. Il y a quand même plusieurs bugs dans Skyrim. Rien j'en de très, ai vu très, des très sur Internet, sur YouTube, là. J'en ai vu des très, très beaux. Mais, écoutez, c'est un très bon jeu. Moi, je l'ai sur PC, je joue... Ça fait une semaine que j'ai pas joué, d'ailleurs. Là, j'ai hâte de recommencer. Mais je pense que c'est une suggestion unanime ici à la Puissance Maximale. Pour les amateurs de jeux de rôle, première personne, même on peut y aller en troisième, faire un mage, voleur, guerrier, ou mélanger tout ça, faire des choses hétéroclites, avoir un monde ouvert. Écoutez, je pense que c'est le jeu. Et qu'est-ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer simple et passer semi-rapidement à travers le jeu sans trop se compliquer les choses. Ou on peut rentrer vraiment en détail, aller chercher les bonnes combinaisons, aller fouiller qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y en a pour tous les styles. C'est pas juste pour le hardcore gamer, le vrai gamer, là, comme qu'il y avait dans le temps. Faire du 350 heures de jeu, là, les gens sont obligés de faire ça. Ils peuvent faire la quest principale, puis merci, bonsoir, c'est terminé, je me fais un nouveau personnage. C'est ça. Donc, un jeu un petit peu pour tout le monde, même ceux-là qui aiment ça, mais qui aiment moins rentrer trop profondément dans ces jeux-là. C'est une bonne option. Je dirais que c'est un 60$ très bien investi, surtout pour les heures de jeu qu'on peut y mettre. Andrew, suggestion de ta part pour nous, pour Noël. C'est surtout des suggestions de cadeaux de dernière minute pour Geek, là, mais... Ben, en fait, je vais même en suggérer deux. La première, c'est tant qu'à être dans les jeux, on va parler d'une petite suggestion, oui. En fait, je ne remonterai pas trop loin dans le temps. Zelda Skyward Sword, ouais. C'est le jeu de la Wii actuellement. Il y a ses petits défauts, comme je vous ai parlé, mais un excellent jeu qui va vous en offrir pour votre argent. Et je vous dirais que c'est un excellent cadeau si vous voulez faire cuiser. Si vous voulez faire plaisir à un fan de Zelda. Ouais, excellent. Et la deuxième suggestion cadeau, je vais sortir un peu de qu'est-ce qui est jeu. C'est mon petit personnel à moi. Si vous êtes maniaque de tablettes et des choses comme ça, non, je ne dirais pas le iPad 2. Je vous dirais la petite tablette AAA Transformer que j'ai fait l'achat. Alors, très, très intéressant. Ouais. Que j'ai fait l'achat récemment avec Android 3.0 qui va passer à 4.0 d'ailleurs qui est dans les prochains mois. Je vous dirais excellente machine, capable de rouler l'HD. Puis, en plus, on peut brancher souris, clavier. Il y a une prise à HDMI, des fentes de cartes. On a à peu près pour 14 heures d'autonomie avec les deux piles qu'il y a dans la tablette. On rappelle que le Transformer vient avec un clavier dans lequel on peut clipper notre tablette. Là. On peut acheter la tablette tout seul, ouais, si on le souhaite. Mais tu sais, je vous dirais là, que pour c'est la différence de prix, prenez vraiment avec le clavier. C'est très intéressant. Si vous avez besoin de travailler, là, faire du tapement de texte, c'est beaucoup plus agréable qu'avec l'écran tactile. Puis, en même temps, ben, je vous ai déjà parlé d'Android, là, l'air très, très, très longtemps à l'émission. Je m'en cache pas. Je suis un vendu Android. Et je vous dirais que c'est un beau système qui est bien ouvert, offre des bonnes possibilités. Surtout aux gens qui veulent se développer un peu, qui veulent programmer, qui veulent installer un peu ce qu'ils veulent sur leur machine. Là. Puis le nom, il est gagnant aussi. Android, là, on aime ça. Ben, exactement. Fait que je vous dirais, c'est une très bonne suggestion cadeau. Sinon, ben, si vous êtes plus conservateur, ben, c'est l'année des tablettes. Dans le fond, achetez une tablette. C'est ça, je vous dis. Cadeau de Noël, tablette, c'est gagnant. Moi, personnellement, je n'étais pas très tablette, mais depuis que j'ai un de mes amis avec qui je joue là, à Pathfinder, justement, là, du jeu de rôle, qui joue avec sa tablette, là, je pense que ça commence à me titiller. Les tablettes pour les jeux de rôle, au lieu d'avoir les 8 livres qu'on traîne avec nous autres chaque joueur, on est capable d'avoir ça en version PDF. On peut avoir une version et on en regarde directement dessus. Ça prend moins de place. C'est beaucoup moins lourd à traîner, donc ça a certains avantages. Parlant de PDF, justement, j'en reviens avec Pathfinder parce que je joue beaucoup ces temps-ci, mais la gang de Paizo Edition, ce qui est dit finalement Pathfinder, offre des PDF eux-mêmes de leurs livres qu'ils créent eux-mêmes. C'est des bons PDF avec des raccourcis directs dans les pages, avec des partout dans les pages là, qui nous redirigent vers les bonnes règles. C'est vraiment des très bons PDF de leurs livres à 10$. Ça peut être intéressant là, pour les gens qui veulent aller chercher des versions virtuelles au lieu des livres, justement, au lieu de payer 40$. Mais on peut quand même continuer à encourager les gens de l'édition pour 10$, ça vaut la peine. Guillaume, suggestion de ton côté? Je vais y aller en jeu. C'est une petite liste que j'ai trouvée en faisant le tour là, des nouvelles, des idées cadeaux. Et 10 jeux qui ont été sortis sur une liste. Bon, j'ai pas nécessairement joué à tous ces jeux-là. Vous en avez déjà sorti deux dans la liste, qui étaient le Skyward Sword et Skyrim, qui sont deux des choix. Dans la liste, il y a aussi Dead Space 2 comme choix. Un jeu intéressant, c'est pas pour tout le monde quand même, mais c'est un des bons jeux de l'année, là, qu'il faut pas se cacher, un des gros titres qui est sorti. Qui peut être intéressant pour les gens. Un autre jeu à peut-être regarder pour Elle est Noire. Oui. Qu'elle a joué aussi. Moi, j'avais joué un peu avec Andrew. J'avais salué là, le graphisme chez Rockstar qui s'est amélioré, surtout pour le visage des personnages. Là. Je veux dire, c'est très impressionnant. J'ai pas le temps de jouer beaucoup, par exemple, mais je compte bien m'y mettre. Essayer un peu le côté enquête, policier. Là, ça, c'est avec aussi Heavy Rain qu'on avait vu comme jeu sur PS3. Là, ça aussi, c'est un bon titre là, pour les gens qui veulent aller vers le côté un peu enquête, un peu lugubre. Là, c'est vraiment intéressant. C'est deux bons titres, effectivement. T'as raison. Et il y a aussi comme jeu intéressant Gears of War 3, qui est un qu'on peut dire c'est rendu une série classique, une série culte. Donc un autre bon jeu là, si jamais vous connaissez un gamer qui aime ce genre de jeu là, qui l'a pas eu encore, une bonne idée de cadeau à aller chercher là, à la dernière minute comme ça là, quand même intéressant. Portal 2. Oui, ça aussi intéressant. C'est pas tout le monde qui aime. Non. C'est mitigé. mais si vous trouvez peut-être un bon prix, un rabais là, dessus, ça peut être un cadeau intéressant à faire aux gamers que vous connaissez. Et je vais y aller avec deux autres jeux. Uncharted 3. Oui. La série Uncharted, ça aussi, c'est devenu un classique. Encore là, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est comme n'importe quoi. Vous allez trouver des critiques positives puis négatives sur tous les jeux qui existent. Oui. Cachez-vous le pas. Mais un jeu qui a quand même eu un certain succès aussi là, à travers l'année. Les deux premiers titres avaient gagné jeu de l'année, je pense, sur PS3. Donc, je sais pas pour le troisième titre qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Non, Skyrim a volé. Ouais, c'est ça, a volé la balle. Mais c'est des bons jeux pour les styles un peu Indiana Jones. Là, on tire, on peut dire que c'est la bonne évolution que qu'est-ce que Tomb Raider aurait dû devenir. Mais il y a le nouveau Tomb Raider aussi qui va sortir dans pas longtemps. J'ai pas encore sorti, c'est l'année prochaine, on n'a pas de date exacte. Mais on avait vu des vidéos trois là cet été. Là, des grosses attentes. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir des grosses attentes pour ce titre-là. Et dernier titre suggestion, encore là, un petit peu dans la même série que plusieurs de ces autres jeux là d'exploration monde semi-ouvert. Batman Arkham City, ouais. Un autre bon jeu. Oui. J'attends toujours de pouvoir y jouer. Oh, peut-être des idées cadeaux là pour des gens qui écoutent. Ah ben moi j'ai déjà eu mes cadeaux. Mais écoutez, s'il y a des gens qui écoutent, qui veulent faire un cadeau à Mickaël Michaud de Puissance Maximale, écrivez-nous sur Facebook, on va s'arranger pour le recevoir. Donc ça va être mes suggestions de jeux, une petite liste rapide. Ben c'est des classiques, avec des choix intéressants, des jeux de l'année. Ouais, c'est des valeurs. Moi j'aurais deux autres petites suggestions rapides. On n'a pas parlé vraiment beaucoup de jeux de gestion. En fait, il y en a deux au niveau des jeux de gestion. Je vous dirais Anno 2070. Dont on a parlé il y a 2-3 semaines. Là. Exactement, un jeu qui m'a très bien impressionné. Mon petit dada, Shogun 2 Total War, qui personnellement, je suis grand fan. Et sinon, un autre qu'on n'a pas nommé et qui sort bien en cadeau, Minecraft. Ben oui. Oui, pas maintenant, cher. Rendu officiel, dernière version sortie. Voilà, la version 1.0 est sortie il n'y a pas si longtemps, elle est sortie en novembre. À peu près un mois. Oui, elle est sortie le 18 novembre, je me rappelle bien. Puis c'est moi-même, là, je suis pas un maniaque, je joue pas souvent, mais j'ai pas ça partout. Là, qui pas une rage encore. Non, c'est là, ça. On aime ça aller construire. Là, pour les gens qui veulent construire style Lego, aller creuser, explorer, c'est vraiment que ça. Il y a pas de finalité, il y a pas vraiment de quête à ce jeu-là. Maintenant, il y en a. Ouais, maintenant il y a une fin. On sait qu'il y a une fin officielle avec les credits. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire, ça? Mais Minecraft, effectivement, c'est une belle idée là, pour les. C'est ça qu'il faut vraiment vérifier avec les gens si c'est un peu leur dada, là, mais. Mais c'est un jeu qui coûte pas cher non plus, par contre. En plus, c'est un jeu indépendant, là, ça vaut la peine d'encourager les créateurs, puis aussi, surtout Minecraft, là, qui est un très bon titre. Autre suggestion rapide de ma part, on parlait de Pathfinder tantôt. Un titre qui est sorti, entre autres, il y a Chantal Campagna de Distribution Dude qui nous en avait parlé sur son Facebook. D'ailleurs, Chantal, qu'on salue parce qu'elle nous a fait parvenir un jeu il n'y a pas si longtemps pour qu'on puisse le tester. On va faire ça après les fêtes, le jeu Yggdrasil. J'ai rencontré Chantal récemment, elle a pu me donner une copie. On a hâte d'essayer ça, un jeu coopératif là, dans le monde finalement, de la mythologie nordique, scandinave. On a bien hâte d'essayer ça. Mais elle nous avait parlé aussi d'un jeu, du Beginner's Box de Pathfinder. Bref, une boîte qui contient un petit guide pour commencer à jouer jeu de rôle, style Donjon Dragon, dans le monde de Pathfinder avec leur système, qui contient entre autres un livre du héros qui explique un peu le système, qui donne aussi un guide de création de personnages, un set de dés, style D20, justement, D20 système avec D20, D12, D10, D100, vous connaissez le genre. Guide du maître qui explique comment justement être maître de jeu, qui montre plein de monstres, des pièces, vous allez avoir des trésors aussi. Vous avez une bonne grosse quantité de pions pour les héros. Vous avez une carte, des personnages préfets et aussi des fiches pour faire des personnages personnalisés. Bref, pour commencer, si vous avez des jeunes là, à la maison qui veulent commencer ce genre de jeu-là, c'est environ 80$, puis c'est bien investi au lieu d'aller s'acheter tout de suite le gros système, tous les livres. Finalement, ils jouent une fois, puis ça ne les intéresse pas. Mais c'est une belle introduction, puis même pour les gens plus âgés là, qui veulent connaître un peu le système. Là. Mickaël aime beaucoup Pathfinder, c'est un très bon jeu. Il y a aussi le Donjon 4e édition qui a de quoi d'équivalent. Donc, n'importe quel jeu de rôle qui offre une boîte comme ça, je pense que c'est un bon investissement pour les jeunes qui commencent. Peu importe le système, là, si vous intéressez à un univers, là, allez voir ça. C'est des bons. Je trouve que c'est des bonnes idées que les éditeurs ont amenées. C'est ça. Et ils coûtent pas trop cher, puis ça permet d'intégrer les gens dedans, puis c'est des règles un petit peu plus simplifiées souvent, pas trop complexes, puis beaucoup plus simples pour les débutants. Effectivement. Et autre suggestion rapidement, on a parlé avec Francis Gagnon la semaine passée, socio-jeu. Écoutez, l'espace socio-jeu au Café Sinecure sur Miran, ça vaut la... Moi, là, on a hâte d'y aller avec l'équipe de Puissance Maximale là, à aller essayer des jeux avec Francis et son concept sur la rue Miran à Québec au Café Sinecure. On rappelle là, des tarifs de 9$ par personne pour des séances d'animation avec Francis qui va nous montrer comment jouer au jeu qu'on veut. Location aussi de 12$ pour un jeu, si on veut seulement jouer à un jeu, là, puis qu'on sait déjà quoi on veut jouer. Puis il vend même des cartes de 10 séances, ça coûte 70$, donc ça revient à 7$ la séance au lieu de 9. Donc, c'est vraiment un beau concept à Québec pour les gens intéressés. Moi, je trouve que ce serait justement une belle idée cadeau d'amener des amis, là, puis c'est moi qui paye, on va jouer à des jeux, là. Moi, je trouve que c'est une bonne... je trouve que c'est effectivement une bonne idée là, pour tout le monde pour venir jouer justement là, à des jeux qu'on n'oserait pas acheter parce que c'est trop cher, puis découvrir finalement des nouveautés. Et moi, j'ai peut-être deux autres petites suggestions. Ben oui, j'en ai une que j'ai déjà parlé, King of Tokyo. C'était mon coup de cœur jeu de plateau de l'année. Je vous le recommande encore. On avait reparlé même avec Francis. Ça coûte pas trop cher. C'est intéressant d'amener même dans la famille avec des gens un petit peu moins habitués. Ça se va bien. On joue avec les cousins et les cousines. On s'amuse, on rigole, puis on détruit Tokyo. Donc, toujours intéressant. Toujours intéressant d'être une métropole, une grosse métropole. Surtout quand c'est Tokyo. C'est Tokyo. Il est habitué de toute façon. Ben oui. Ma dernière suggestion à moi pour les jeux, en tout cas pour les jeux PC, Witcher 2, qui avait sorti, qui est basé sur une série de romans, je pense que c'est un auteur polonais, dans un monde fantastique avec, bref, des chasseurs de monstres qui rentrent un peu dans un jeu politique. Là, on a le deuxième titre qui est sorti cette année. Magnifique visuellement là, pour ceux qui veulent voir un beau jeu, vous allez avoir ça, un bon système de combat. C'est vraiment une histoire bien développée. On a quand même certains choix à faire qui peuvent changer un peu la trame narrative. Je vais expliquerai pas tout le jeu, mais pour les amateurs de fantasy médiévale là, dans le jeu PC là, c'est un achat à faire. Je vais essayer de faire une petite critique le plus approfondie après les fêtes de ce jeu-là, parce que moi j'ai adoré ça. C'est ma suggestion, une de mes belles suggestions PC là, cette année dans ce style-là. Est-ce que messieurs, vous aviez une autre suggestion? J'en ai une dernière et qui n'est pas un jeu. Oh. C'est un film. Ben oui. Il y a eu le film Avatar qui est sorti au cinéma en 3D. Bon, il y a des gens qui aiment moins encore là. C'est une question de goût. C'est un film, moi, tant qu'à ça. J'ai été diverti, donc j'ai aimé. Il va y avoir maintenant une nouvelle version disponible sur iTunes. Au coût de 20$, c'est à partir de demain. Ça coûte, version haute définition, 12 Go à télécharger. Et avec un 7 Go supplémentaire, de scènes supplémentaires. Mais qu'est-ce qui est intéressant, entre autres, du supplément qui nous offre là-dedans? C'est qu'on peut écouter le film et on voit le voice acting du personnage. Donc, on voit l'acteur, le vrai acteur qui est en arrière, avec les écouteurs, avec les gréments sur la tête et qui parle et qui fait, qui fait bouger sa face. Et on voit aussi en même temps la partie animation qui s'ajuste à ça. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Là, pour les amateurs de suppléments DVD. C'est un bon supplément qu'on peut écouter en même temps. Le seul désavantage, par contre, c'est juste on peut juste le télécharger à travers iTunes et on peut juste l'écouter sur notre PC ou notre Mac, car les autres, malheureusement, consoles comme les iPads, les iPods, tout ça, c'est pas supporté, ces options-là supplémentaires. Mais pour les fans du film, donc peut-être offrir une carte cadeau iTunes à quelqu'un pour lui permettre d'aller chercher le film. Ça peut être une autre suggestion là, pour combler peut-être un bon Noël là, dans le temps des fêtes. Excellent. Merci, Guillaume. Est-ce que, Andrew, toi, tu avais une autre suggestion avant de passer à ton éditorial? Toute dernière qu'on n'a pas pensé à nommer, pour les fans de jeux de tir au niveau de première personne, l'ordinateur, Execo, Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Ouais. Moi, je dirais Battlefield 3 en premier, mais je respecte les opinions des gens. Donc, dépendamment de les préférences des gens qui voulaient donner le cadeau, c'est toujours deux bons titres cette année là, pour le jeu de tir. Il y a des gens qui n'aiment que ça, donc ils pourront en avoir pour leur argent s'ils achètent les deux. Donc, exactement. Puis deux jeux très intéressants, très divertissants à jouer. Excellent. Mais merci, Andrew. Et on va. C'est tout pour nos suggestions cadeaux pour cette émission. Et on va y aller en musique avec une autre chanson. Je crois une chanson cette fois-ci d'un CD que on vous a déjà fait jouer. Very Scary Solstice. Bref, du mythe de Cthulhu. Et on me passe la feuille avec le titre là, dont le titre de la chanson est It's the Most Horrible Time of the Year by G.D. Titan. Donc vous allez voir une version bref H.P. Lovecraft de Noël, et vous écoutez ça à puissance maximale sur CKIA FM 88.3. It's the most horrible time of the year, with the nights getting longer, the evil is stronger, and there's much to fear. It's the most horrible time of the year. It's the unhappiest season of all, when your knuckles are widening from visions so frightening you must not recall. It's the unhappiest season of all. Great Cthulhu is calling, and Saturday's falling, and cultists are roaming the land. With the darkness descending, our destiny's bending to forces we can't understand. It's the most horrible time of the year. There'll be ritual killing and omens fulfilling as old ones appear. It's the most horrible time of the year. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, Puissance Maximale de retour, et avec Andrew Castegan pour notre coup de gueule sur l'industrie du jeu, partie 2. Et cette fois, on va parler matériel, Andrew. Oui, ben t'sais, vous savez, depuis quelque temps, on fait un petit running gag disant que j'offre mes services de consultant. Ben, il est temps que je fasse valoir mon expertise dans le domaine. Donc, voici mon CV. Non, en fait, pour être plus sur le sujet, en fait... C'est une idée qui m'est venue en lisant une actualité que j'ai vue il y a très longtemps sur Internet à propos de la 3DS, justement, qu'on parlait tantôt. Qu'est-ce qui m'a frappé, c'est à quel point le matériel, au niveau des jeux vidéo, on s'en va de plus en plus vers l'économie du matériel et une augmentation du prix, mais avec une baisse de la qualité. Je m'explique. À l'époque, on achetait un Game Boy. Tu sais, le fameux Game Boy avec l'écran monochrome. Jaune-gris. On l'oubliait dans une maison en feu. Puis marchant encore. On exagère à peine, mais c'est quand non, même... Non, il y en a un en New York, en fait, exposé, un Game Boy comme ça qui a passé au feu. Il est tout fondu, c'est impossible de jouer avec, mais l'écran marche encore. Et on peut faire rouler des jeux dedans. Ben, en fait, on n'a plus le choix de jouer un seul jeu parce qu'elle a fusionné avec la console. Mais t'es... Mais quand même. Elle fonctionne encore. Et l'article de la 3DS que j'avais lu, c'est que il y a un défaut de conception dans la 3DS encore actuellement avec les consoles sur le marché. C'est quand on ferme la console, les petits caoutchoucs sont pas assez épais. Donc, ça fait en sorte que l'écran du bas vient à côté dans l'écran du haut. Qu'est-ce qui endommage l'écran 3D? Et Nintendo ont dit, non, c'est pas un défaut de fabrication. Vous n'avez qu'à mettre un bout de tissu entre les deux et ça va pas arriver. Et ça, c'est quelque chose que j'ai comme trouvé ordinaire. C'est un peu aberrant. C'est comme les iPhones, ça contenait d'une certaine façon puis ça rentrait pas. Là. C'est pas un défaut de fabrication, c'était voulu. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment aberrant parce que, en même temps, ça, j'ai réfléchi à tout ça et on est en même temps dans un univers d'accessoires sur les consoles. Surtout avec Nintendo. Surtout avec Nintendo. Tu sais, je regarde à l'époque le Nintendo ordinaire. T'sais, oui, on avait le NES. On avait, oui, des accessoires, mais t'sais, on s'entend que c'était pas tuable comme console. Même à part le zapper, là, le genre de pistolet là, qui avait tendance à plus détecter le blanc de l'écran. En général, c'était pas tuable. D'échapper un verre de Pepsi sur ta manette, elle va marcher pareil. Tu l'ouvrais, puis tu nettoyais un peu, puis tu repartais. Puis voilà. Mais t'sais, juste un exemple, les cassettes à l'époque. Tu les laissais traîner dans un fond de tiroir, l'humidité pognait, t'avais un verre de gris, un Q-tip avec de l'alcool à friction vient à l'épreuve de tout et la cassette refonctionne. Voilà. J'ai même fait la preuve chez Michael avec une vieille cassette. Des vieilles cassettes que j'avais retrouvées chez nous là, pour remettre mon Super Nintendo en service, puis effectivement ça marche. Mais c'était des consoles qui étaient faites pour durer. Mais là, il faut dire que c'est pas. que dans l'industrie du jeu. On est dans l'ère de l'électronique où on réutilise pas puis on répare pas. On jette puis on rachète du neuf à chaque fois. Là. On s'entend que la durée de vie est calculée pour que ça soit pas long puis qu'on rachète. Là. C'est les mêmes qui font leur argent. C'est ça. Et pas juste ça. Là, on regarde juste les laveuses sécheuses, toutes ces affaires-là. Les frigidaires, dans le temps, ça durait. Ça, quand ça a commencé, c'était fait 15, pour durer 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans même. Puis maintenant, ton frigidaire, s'il fait 15 ans, là, un neuf que tu jettes, tu le changes. Ça vaut plus la peine de réparer. C'est ça. On est dans cette ère-là. C'est ça. Puis en même temps, une autre chose, mettons, on a regardé l'évolution des consoles. Quand le Nintendo a évolué, dans le fond, Super Nintendo, on s'entend qu'il y avait eu des augmentations matérielles quand même assez importantes au niveau de l'appareil. Et on a eu un même phénomène avec le Game Boy. On avait le fameux Game Boy que je vous parlais qui pouvait passer au feu qui marchait. Il y a eu une évolution au Game Boy Pocket qui, dans le fond, ils ont changé. Il était plus petit, plus portable, consommait moins d'énergie, l'écran était différent. Après ça, il y a eu le Game Boy Couleur où ils ont mis la couleur. T'sais, ils ont tout le temps rajouté des affaires qui valaient la peine de racheter la console. Mais en même temps, les consoles étaient faites pour durer. Qui n'étaient pas sorties à deux mois d'intervalle. Exactement. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve dans un moment où les consoles sont recyclées. On a des PlayStation 2, on a le PlayStation 2 ordinaire, la console, dans le fond, là, qu'on peut jouer. Qu'est-ce qui sort quelques mois plus près, après? Une PlayStation 3 Slim. Le même principe avec la PlayStation 3. Plus performante que la PlayStation première. 2, c'est ça. La PlayStation 3, ils ont fait le même principe, ils ont sorti une PlayStation avec la rétrocompatibilité. Oh, ils sortent une autre version, il n'y a plus de rétrocompatibilité. Oh, là, ils sortent la PlayStation 3 Slim, qui ont même pas mis le même processeur, puis qui est plus puissant. Fait que, tu sais, c'est comme... pour nous inciter à racheter la même console. Et on a encore le même principe avec les consoles portables. On a parlé avec les jeux, justement, comment ne pas récompenser nos clients du premier temps, là, ceux qui sont fidèles, qui veulent acheter quand ça sort, qui dépensent le gros montant, on les récompense pas, on leur dit, écoutez, vous êtes dépassés après 2 ans, rachetez la même console. Ben, même au niveau des consoles portables, ça, je trouve, c'est encore plus pire. Juste un exemple comme ça, on va commencer avec la Nintendo DS. Ils ont sorti la première Nintendo DS, qui était quand même grosse, pas très ergonomique, pas très confortable au niveau de la jouabilité. Puis en même temps, les écrans étaient, oui, lumineux, mais pas tant que ça, t'sais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? DS Lite, ergonomie revisée, écran plus lumineux, batterie prolongée, mais la même console. Le hardware en tout est identique. Pareil. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti la Nintendo DSi. La Nintendo DSi où ils ont rajouté, dans le fond, les caméras. Puis ils ont enlevé la Game Boy Advance, puis avec un nouveau fini, puis des affaires de même. Mais ça reste la même console. Au niveau hardware, c'était pareil, avec quelques petites différences près au niveau de l'utilisation des caméras. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Nintendo DSi XL, la même affaire, à part qu'elle est encore plus grosse, peut prendre l'espace d'une sacoche au complet. Fait que, tu sais, c'est encore pire à ce niveau-là. Après ça, après un certain temps d'exploitation, ils ont fini par sortir la Nintendo 3DS. Qui est là, il y a eu une évolution graphique. Mais encore là, on va voir un autre phénomène avec la Nintendo 3DS. J'en avais parlé d'ailleurs à Mike. Ils ont fait un concept de la console. Comme je vous dis, il y a les patins, les datati, tatata. Mais là, ils vont sortir un accessoire pour les jeux de tir sur la 3DS, qui est juste une grosse affaire de plastique qu'on met en dessous de la 3DS pour acheter un deuxième joystick. Come on, les gars, là. Resident Evil Revelation, qui est annoncé depuis le lancement de la console, a besoin de ça pour jouer. Faites-moi pas croire que depuis le début de la conception du jeu par Capcom, que vous n'avez pas pensé que ça prenait deux joysticks sur la console. C'est vous auriez pu le mettre directement. Mais c'est comme avec la Motion Plus, tous ces petits accessoires-là qui sont venus avec la Wii. Là, mais au niveau des consoles portables, je pense que le pire du pire, c'est la PlayStation, la PSP. Il y en a eu combien de versions de PSP la console était identique, à part qu'elle avait un nanomètre de moins épais? C'est la seule évolution qu'ils ont eue, c'est la PSP Go qui a fait un flop parce qu'ils ont décidé d'enlever le lecteur UMD. T'es comment encourager les usagers à acheter une nouvelle console portable en disant t'es tous les jeux physiques que vous aviez, vendez-les et rachetez-les sur le PlayStation Store. T'es, c'est comme bravo. C'est bravo. Ça mérite une bonne main d'applaudissement. Encore une fois, c'est le même principe que tantôt. On rachète les mêmes choses qu'on a déjà à la maison. Et encore là, comme que tu suggères la manette de plus pour la 3DS, là. Pourquoi ils n'ont pas mis, comme je pense que c'est toi qui en parlais justement, pourquoi ils n'ont pas rajouté un pack de batterie pour recharger notre 3DS, donc va jouer plus longtemps, ça aurait été déjà quelque chose de plus. Là, et non, mais c'est ça, mais là, non seulement la 3DS a un problème d'alimentation reconnu, on va brancher un accessoire qui va consommer de l'énergie sur la 3DS, puis raccourcir encore la durée de vie. Puis qui rend la 3DS encore plus difficile à manier. Exactement, parce que je vous irai faire une recherche pour le fun d'une image, justement, là, à ce niveau-là, là, de ce genre de gogos-là qui se met en dessous. Je vous vous dirais, là, vraiment, je me demande comment je vais faire. Les boutons, déjà, X, Y, A, B, sont déjà assez petits de même sur la console, puis durs à atteindre avec la console déjà comme elle est. Maintenant, on va rajouter une épaisseur de plus en largeur pour nous rendre les boutons encore plus difficiles d'accès et avec un joystick dans le chemin. Fait que c'est encore... C'est qu'on a, ouais, c'est ça, on a le matériel là, qu'on réutilise jamais, qu'on sait, ben, on est un peu dans ce phénomène de la surconsommation là, avec ce qu'on gaspille tout le temps. On réutilise jamais, puis on va pas faire réparer nos consoles. On va toujours en racheter des nouvelles. Malgré le fait que là, moi j'ai des vieilles consoles à la maison, c'est ce que je suggère aux gens. Vendez pas vos vieilles consoles, gardez-les, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, entre autres avec la rétrocompatibilité des jeux. Là. Gardez-les à la maison, surtout les vieilles là, qui sont faites en béton. Là. Mais il faut faire attention aussi. Oui, il y a beaucoup de choses dans même qui en font plusieurs versions, puis qu'on jette, puis on rajette, c'est plus simple. Il y a quand même quelques affaires, entre autres pour les téléphones cellulaires, c'est des adaptateurs pour le courant universel qui s'en viennent. Ils se rendent compte aussi, par exemple, que là... C'est en train de standardiser. Là. Ça commence à faire des standards. Donc ça aussi, ça l'aide éventuellement à rendre les choses moins politiques. Moins de pollution pour la planète, parce qu'actuellement, la quantité de chargeurs pour les cellulaires qui ont été jetés dans des dépotoirs, c'est assez incroyable. Des batteries. Les gens changent de cellulaire à tous les ans, à tous les deux ans, on jette tout ça. Tandis que maintenant, ils commencent à faire justement des chargeurs plus universels. Qu'est-ce qui permet de pouvoir rendre ça là? On a un chargeur, on va le garder à vie. Puis quand il va briser dans 8 ans, on va juste en racheter un autre. On n'aura pas passé une minute à travers. C'est ça. Il y a certaines initiatives comme ça qui peuvent nous permettre d'avoir espoir. Mais il faut pas oublier que malheureusement, l'industrie du jeu, ben, c'est une industrie, c'est une business. Effectivement. Les autres sont là pour faire de l'argent. S'ils peuvent te revendre 3 fois la même console, ils vont le faire. Mais c'est plate pour nous parce que nous, on pense faire affaire avec des gens qui veulent avoir une clientèle... C'est une clientèle fidèle, mais c'est pas ça présentement qui se passe. Il n'y a pas de fidélisation de la clientèle. Mais c'est là qu'il faut en faire part aussi à ces compagnies-là. Faut leur suggérer, leur donner des suggestions. Pas juste envoyer un courriel, dire « Qu'est-ce que vous faites? C'est mauvais, c'est pas bon. » Faites des suggestions. Les forums et les courriels, c'est assez limite. Je veux dire, acheter, c'est voter. Aussi, c'est voter. Mais comme que j'ai d'envie, juste chialer après quelque chose, ça sert à rien. Faut faire des remarques constructives. Faut envoyer un courriel, une lettre, peu importe, qui donne des informations pertinentes. Pourquoi que c'est pas bon? Pourquoi qu'il devrait essayer de quelque chose de différent? Des fois, il y a des limitations techniques. On peut pas tout faire. Mais c'est de leur donner des suggestions puis leur faire part aussi qu'en n'achetant pas éventuellement que, regardez, si vous changez pas votre façon de faire, je vais aller vers une autre compagnie qui va aller plus dans la direction que moi, je veux. Moi, j'ai appris cette année, j'ai bien appris cette année, là, c'est que quand on est lésé par une compagnie, il faut se plaindre. Faut le faire parce que c'est des fois on peut obtenir ce qu'on a besoin. Et puis moi, c'est arrivé entre autres avec mon fournisseur de services cellulaires, aussi avec justement des problèmes avec des jeux, des trucs usagés qui faisaient pas l'affaire. Ben on retourne voir nos commerçants et on leur explique. Et habituellement, c'est des gens qui sont de bonne foi. Mais c'est la façon de l'expliquer aussi. Ça change tout. Si on arrive en criant. Ah oui, c'est ça. Il y a toujours une façon de faire. Mais juste pour conclure un peu ce coup de gueule là, le dernier point que je veux soulever, que je trouve plate au niveau de l'électronique. Oui, c'est sûr qu'on veut encourager la consommation du produit, tout ça, mais s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que vos produits portables soient moins fragiles. Oui. Je fais juste une référence au niveau des téléphones cellulaires. Beaucoup des téléphones cellulaires actuellement sont en petit plastique chipette, que dès qu'on les échappe, ça brise, ça graffine et ça fait tout ça. Surtout au prix qu'ils les vendent. Les téléphones portables sont rendus à des prix quasiment justement d'ordinateur portable puis de télévision plasma. Là, 24 les ordinateurs sont moins chers que ça. Là. Oui. Mais tu sais, je vais citer un exemple d'une compagnie que moi, personnellement, j'admire. Asus. Et la tablette que je vous parlais tantôt, l'Asus Triple Transformer, mais il est en métal. Fait que, tu sais, si on l'échappe à terre, il va être bossé, mais il va marcher. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste ça, dans le fond, là, que je tenais là, à dire. Ça serait vraiment plaisant. Qu'on ait un matériel, qu'on ait des produits de qualité. C'est pas juste une question de durée de vie. C'est aussi que c'est des produits qui sont supposés durer. Puis vous le savez que vos consommateurs peuvent avoir les mains pleines de pouces. C'est pour les écrans aussi de cellulaire. Ça se graphique d'un rien. Puis au prix qu'on paye, c'est le fun d'avoir de quoi qu'on peut échapper sur la table puis pas le briser. Là. C'est ça, on l'échappe une fois puis c'est fini. Certaines personnes pourraient dire, ben fais attention, mais c'est pas juste une question de faire attention. C'est un accident. Juste un exemple de quelque chose qui brise, qui est plate, c'est les écrans d'iPhone. Oh oui. S'il y a-tu bien quelque chose à part moi, je prends l'autobus tous les jours, puis je peux vous dire que le nombre de personnes qui sortent leur iPhone ou leur iPod Touch, puis que je vois des écrans complètement fracassés, là, puis que je me dis, moi, je serais pas capable d'utiliser ça, mais on peut pas se racheter un appareil du genre, surtout à 300 $, 300, 400, 500 $. Mon père a un iPad 2, Et lui, dans le fond, il est sorti de l'auto, puis tout ça, puis il avait l'iPad dans ses mains. Et on parle pas d'une chute très haute, on parle de la hauteur d'une voiture. En se levant, il l'a échappé sur le coin, et l'écran a complètement défoncé. Il a fallu qu'il rachète un iPad parce que ce n'est pas couvert par la garantie. Et voilà. Fait qu'on a des produits qui sont moins durables, puis encore une fois, c'est le consommateur qui paye. Que ce soit pour les jeux, pour le matériel, on se retrouve avec des choses qui sont... C'est calculé, finalement, pour... Maintenant, les produits électroniques ont des dates de péremption, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, là, faut s'attendre à ce qu'on, quand on s'achète une télévision, entre autres, là, j'ai un de mes amis récemment, là, un plasma de 2 ans, fini. Marche plus. On est obligé de se rendre. Oubliez pas, mesdames et messieurs, là, qu'il y a la garantie légale au Québec, que vous pouvez vous rendre aux petites créances puis exiger à ce que la garantie légale soit respectée. Puis ça, la garantie légale au Québec, ça explique finalement qu'un produit doit avoir une durée de vie selon le prix qu'on paye. Donc souvent les petites créances peuvent donner des fois, ils donnent souvent raison aux consommateurs là. Mais faut pas oublier, c'est aussi pour des bris normales. Ils couvriront pas si on a échappé le marteau sur l'écran. Non, ça c'est sûr. Il y en a des fois qui vont vouloir s'essayer. C'est des bris standards, normales. On parle de bris là, qui devraient pas arriver là, après 2 ans d'utilisation d'une télévision là. Donc, n'ayez pas peur de faire valoir vos droits, que ce soit pour le matériel de jeux vidéo, les télévisions, les cellulaires, tout ce qui est technologique là. Faites valoir vos droits. Puis les petites créances, là, ça coûte les frais d'ouverture du dossier. Vous n'avez pas besoin d'avocat, puis vous allez. Puis souvent, c'est les consommateurs qui se font donner raison. Justement, parce que des produits, une TV qu'on paye 1 500 $, je suis désolé, mais ça doit durer plus que 2 ans. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour, mesdames et messieurs, de ce coup de gueule. À moi, Kendrew, vu que c'est toi qui avais initié cette deuxième partie, est-ce que tu as une autre conclusion à nous proposer? Le mot de la fin. Mon courriel sur le site de Puissance Maximale. Vous pouvez me contacter. Ça me fait plaisir de vous donner des conseils. Il est prêt à avoir une job pigiste conseil auprès des grandes compagnies de jeux. Je cherche justement quelqu'un pour déblayer mon entrée cet hiver. Non, ça marche pas de même. Mais déjà au départ, si Microsoft annonce la nouvelle console Xbox, l'année prochaine Xbox, qui m'appelle, je vais leur rappeler de pas mettre des headsets pleins comme qu'ils ont fait les deux dernières fois. Merci Andrew, et on leur rappelle aux gens de Microsoft que Andrew est là pour eux. Alors, c'est déjà la fin de cette édition de Puissance Maximale. Alors, je voudrais remercier Andrew Castegan. Merci Andrew. Ça fait toujours plaisir. Et merci à Guillaume Forin également de sa participation. Ça fait plaisir. Puis merci à toi aussi d'être là. Ça fait plaisir. Merci à Vanessa qui est à la console. Un plaisir, comme toujours. Et moi, c'est Mickaël, mon magnifique nom, Mickaël. Toujours un plaisir de vous servir comme animateur ici de Puissance Maximale. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est aussi un site www.puissancemaximale.com. Des nouvelles, les émissions en ligne qu'on essaie de mettre le plus rapidement possible après la diffusion ici à CKIA. Et on vous souhaite une bonne semaine de jeu. On se revoit la semaine prochaine. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we one, two, three, four, yeah!